Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il n'y a ni beau ni vilain sujet, écrit Gustave Flaubert à Louise Collet le 16 janvier 1852. On pourrait presque établir comme axiome, poursuit-il, en se posant du point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. Alors à quelle date la beauté en art a-t-elle été reléguée au second plan ? Une œuvre d'art qui tourne le dos à la beauté change-t-elle en retour la définition de l'art ? Mais d'abord, comment définir la beauté ? C'est quoi la beauté pour vous ? J'ai pas comme ça une petite définition de la beauté, mais moi je trouve que ça a à voir avec, avec l'irréalité. Et c'est vrai que la phrase de Dubuffet, dès qu'on cite son nom, elle fout le camp. Je trouve que c'est un peu la même chose avec la beauté. Dès qu'on arrive comme ça un peu à la cerner, c'est plus tout à fait la beauté. Je trouve qu'en effet, comme dans l'électricité, on peut comme ça entrevoir, mais pas plus. Si on la cerne, ce n'est plus la beauté. La beauté cachée, délai, sonne fois sans délai. La beauté cachée, délai, sonne fois sans délai. Bonjour Carole Talon-Hugon. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, spécialiste d'esthétique et de philosophie de l'art, professeur à l'université Nice Côte d'Azur, l'auteur de nombreux ouvrages sur l'art à travers l'histoire de l'art. Êtes-vous d'accord avec l'artiste François Boiron qui, lorsqu'on lui demande comment définir la beauté, il dit justement, c'est ce qu'il y a peut-être d'indéfinissable, mais c'est pas la définir. Et la meilleure chose, la meilleure comparaison qui lui vient à l'esprit, c'est celle avec l'électricité. Oui, c'était d'une certaine façon la conclusion aussi de Platon dans un texte très ancien, dans Lyon, qui se termine de façon aporétique, c'est-à-dire sur une impossibilité de définition, faute de trouver en effet des caractères stables. Oui, la beauté est effectivement largement... indéfinissable. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que on peut repérer au cours de l'histoire des manières de la pensée qui ont été justement des manières très différentes entre elles. Je pense qu'il y a un grand tournant qui s'effectue entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle à propos de la notion de beauté. Ce serait le passage d'une conception métaphysique du beau à une sorte d'anthropologie de l'expérience esthétique. Je veux dire par là que dans cette période pré-moderne, le beau est finalement repérable, ou en tout cas comporte trois traits qui le caractérisent, qui sont, je dirais, sa verticalité. L'idée, c'est que les choses qui sont belles, que nous disons belles, qui peut être un visage, une fleur, une œuvre d'art, ne sont belles que par participation à une essence de la beauté qui, elle, est d'ordre transcendant et intelligible. Donc ça, c'est la verticalité du beau. Ça, c'est Platon. C'est Platon, tout à fait. Et beau, c'est Plotin, ce qui appartient également à l'idée du beau, Plotin, voilà. Également, dont on parlera. Donc la beauté sensible, est effectivement, n'est beauté que par... parce qu'il y a participation de cette chose sensible à cette idée qui, elle, est éternelle, immuable, qui, à la différence des beautés sensibles particulières, ne périt pas, n'est pas relative, etc., etc. La deuxième caractéristique de cette idée prémoderne de la beauté, ce serait son lien avec d'autres notions, et notamment avec la notion de bien et de vrai. Comme si cette division que nous faisons entre le bien, le vrai, le beau, ne valait que pour les hommes, et que si l'on regarde les choses du point de vue de Dieu, dirait saint Thomas, eh bien c'est la même chose, c'est la même chose. Ce qui explique aussi une idée qui nous est assez étrangère, qui est une idée grecque, c'est le fameux kalos kagathia, c'est-à-dire, vous savez, ce dont on peut dire à la fois que c'est beau et indissociable, de façon tout à fait indissociable, à la fois beau et bon. Beau et bon. Voilà, donc que la beauté physique est l'indice de la beauté de l'âme, etc. Et enfin, la troisième caractéristique de cette pensée prémoderne du beau, ce serait son objectivité qui est déduite de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le beau n'est pas une simple appréciation subjective de l'individu, voire de l'humanité tout entière, mais c'est quelque chose qui subsisterait, y compris si aucun humain ne peuplait la Terre. Et c'est cette idée, cette métaphysique que la beauté existe en dehors de l'homme. Elle existe en dehors de l'homme. Elle est bien entendu admirée, reconnue par l'homme, mais elle n'existe pas du fait de cette reconnaissance. Elle préexiste à cette reconnaissance. Après, donc, se produit ce renversement pour des raisons très complexes dans lesquelles on peut pas rentrer ici, mais qui fait que la beauté va se, pour le dire en un mot, va se subjectiviser. Il y a une subjectivisation du beau qui se produit, donc quelque part entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ça signifie quoi? Ça signifie justement que les trois traits par lesquels j'ai défini la conception prémoderne du beau vont être inversés. Le premier, donc le caractère, la verticalité du beau, va disparaître, hein, c'est-à-dire que les choses dites belles, les choses sensibles dont nous parlons en disant qu'elles sont belles, ne sont pas belles par participation à une essence du beau, ou par participation à une idée intelligible de beauté. Elles sont belles du fait de la disposition interne de leur partie, vous voyez, de la manière dont elles sont sensiblement organisées. Le deuxième caractère également disparaît par ce fait même, c'est-à-dire que le bien et le vrai et le beau ne sont plus unis en quelque sorte dans le ciel des idées, puisque la beauté n'est plus liée à ce ciel des idées. Donc la beauté n'est pas la bonté, n'est pas la vérité, ce sont deux choses distinctes. Et vous voyez bien par exemple que Hutcheson va écrire un traité qui s'appelle « Enquête sur l'origine de nos idées de beauté », première partie, et de vertu, deuxième partie. En 1738, c'est plus du tout la même chose. C'est le début de ce qu'on va appeler l'esthétique. Pour le situer effectivement dans le temps. Et enfin, le troisième caractère, l'objectivité du beau, disparaît au profit de cette idée que le beau est subjectif, ce qui ne signifie pas encore idiosyncrasique, c'est-à-dire... Ce n'est pas subjectif au sens que chacun de nous a son idée de la beauté. Ça veut simplement dire que la beauté n'existe plus que pour un homme capable de la percevoir. Un homme au sens anthropologique du terme, pas au sens singulier, hein, au sens anthropologique. Il faut qu'une certaine disposition de la matière soit perçue par un sens humain, qui s'appelle justement à cette époque-là le goût, hein, la notion de goût qui se met en place à cette même époque, pour que la beauté existe, pour que la beauté soit reconnue comme telle. Donc vous voyez, là il y a un véritable basculement qui est tout à fait considérable et qui va avoir des conséquences énormes sur la suite de la conception du beau et de ses rapports à l'art, bien sûr. Chez les anciens, la loi suprême des arts du dessin était la beauté. Cela posé, il s'ensuit nécessairement que tous les objets qui pouvaient entrer dans la sphère de ces arts devaient en sortir quand ils devenaient incompatibles avec cette loi suprême. Arrêtons-nous à la question de l'expression. Il est des passions et des degrés de passion qui se manifestent sur le visage par les contractions les plus hideuses et dans le corps par des attitudes si violentes qu'elles détruisent toutes les lignes de beauté qui le circonscrivent dans un état de repos. L'artiste de l'Antiquité s'abstenait entièrement de rendre ses passions extrêmes, ou bien il les prenait à un degré moindre, qui souffrait encore une certaine mesure de beauté. Aucun de leurs ouvrages ne fut déshonoré par l'expression de la rage ou du désespoir. J'ose affirmer que jamais ils ne représentèrent des furies. Appliquons cette idée au Laocoon, et à la cause que nous cherchons paraîtra dans son évidence. Quel était ici le but de l'artiste ? La suprême beauté, sous la condition donnée de la douleur corporelle. Cette douleur, dans toute sa violence, aurait détruit la beauté. Il fallut donc la réduire. Il fallut réduire les cris à des soupirs, non que les cris décèlent une âme faible, mais parce qu'ils défigurent le visage et en rendent l'aspect dégoûtant. Qu'on ouvre seulement en idée la bouche du Laocoon et qu'on juge, qu'on le fasse crier et qu'on voie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de beauté cette semaine et aujourd'hui de beauté en art. L'histoire de l'art a un lien particulier avec le beau qui n'a pas toujours été érigé en modèle ni en but à suivre. Je viens de lire un extrait du Laocoon de Lessing, Carole Talon-Hugon. C'est assez intéressant de voir comment il définit le rapport à la production artistique en faisant du beau une condition tellement importante qu'elle va influencer sur la représentation de l'œuvre d'art. En clair, ici, l'artiste a représenté le prêtre Laocoon, qui est dans un état de souffrance absolue, mais il n'a pas pu lui faire ouvrir la bouche et esquisser un cri, car alors, ça aurait défiguré le visage et aurait introduit du lait dans cette œuvre d'art. Tout à fait. C'est un texte tout à fait important dans l'histoire que nous mettons en place, puisque c'est le moment où Lessing, mais aussi Winckelmann, déclare que la beauté est la plus haute visée de l'art. Ce qui est à la fois étonnant pour nous et pas véritablement, puisque quelque chose reste de ce lien de l'idée de beauté et d'idée d'art. Mais il est certain qu'au XVIIIe siècle, le lien était infiniment moins fort. Je ne dis pas que l'Antiquité ne s'était pas souciée de beauté pour parler de ses œuvres d'art et pour en faire, mais que ce souci était lié à d'autres et à d'autres finalités. Les fonctions de la statuaire, c'était aussi des fonctions religieuses, rituelles, mémorielles. Donc toute cette fonctionnalité n'était pas exclusive de la beauté, mais faisait que on ne pouvait pas penser que la beauté était l'alpha et l'oméga de la sculpture ou de la peinture. Je préfère ne pas parler d'art précisément pour ne pas embrouiller les choses. Mais au XVIIIe siècle, il y a quelque chose comme une mise en avant de cette valeur, la beauté pour l'art, et c'est très bien dit dans le texte que vous avez lu, puisque la raison pour laquelle le prêtre Laocoon ne crie pas dans ce fameux groupe sculpté n'est pas une raison éthique. Contrairement à ce que l'on disait en gros jusque-là, c'est-à-dire on disait il ne crie pas parce que dans une forme de stoïcisme, il sait contenir la souffrance et il sait se maîtriser. Voilà. Donc il ferme la bouche parce que c'est ce qu'il est étouffé par des serpents. Hein. C'est ça qui arrive. Bien sûr. Donc il éprouve les plus grandes souffrances, mais il ne manifeste pas sa souffrance parce qu'il a cette empire sur lui-même qui est la définition des grandes âmes. Donc l'explication du fait que le prêtre dans ce groupe sculpté ne crie pas, c'était une explication de type moral. Et là, dans l'extrait que vous avez lu, on voit bien que cette explication est abandonnée au profit d'une explication totalement esthétique, au contraire. Il ne crie pas parce que un cri en sculpture, ça signifie donc la bouche ouverte et ça signifie un trou. Et qu'un trou, ça n'est pas beau. C'est exactement c'est les termes qu'utilise l'auteur. Mais là, il présupposait une certaine définition de la beauté. Si voilà. Un trou n'est pas beau, c'est que la beauté est quoi ? Dans une harmonie, dans une retenue ? Oui, absolument. Essayons de la définir. C'est une beauté, j'allais dire, formelle. C'est une beauté qui est liée à la forme, vous voyez. C'est plus une beauté qui pourrait être liée à la grandeur d'âme, etc. C'est une beauté formelle. Vous trouverez la même idée chez le peintre Hogarth, qui écrit un petit traité analyse de la beauté, et qui va parler de la beauté du Laocoon, qui décidément est une grande référence, en disant que ça tient à sa forme pyramidale. Vous voyez, c'est-à-dire il va considérer là aussi l'aspect tout extérieur de la chose visuelle, en disant que et on voit très bien que cette beauté pure autour de laquelle l'art tourne, c'est une beauté formelle, effectivement. Et ça, donc ça, c'est une définition contemporaine du beau. Là, le texte de Lessing que j'ai lu du Laocoon, c'est 1766. Mmh. À quel moment est-ce que le beau devient symbole d'harmonie, de forme harmonieuse? Alors, c'est évidemment pas la première fois dans l'histoire qu'on dit des choses comme ça, parce que si vous remontez à la tradition pythagoricienne, bien entendu, vous avez toute cette affirmation selon laquelle la beauté est une affaire de proportion et in fine de nombre, Hein, c'est toute la thèse pythagoricienne, ça vaut seulement, non seulement pour la beauté des choses d'ici-bas, mais ça vaut aussi pour la beauté du cosmos, ça vaut aussi pour la beauté de l'âme, dit Pythagore. Tout est une question de rapport et d'harmonie entre des grandeurs. Donc l'idée d'une beauté formelle, elle s'incarne déjà à cette époque-là dans le canon. Vous voyez, qui est à la fois le texte théorique qui va donner ces rapports de proportion pour construire les beaux corps et qui est aussi une statue, appelée telle, qui incarne en quelque sorte la chose. Mais le Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge avait mis un petit peu ça sous le boisseau. Et effectivement, le 18e retrouve cette idée de beauté formelle, peut-on dire. Oui. Je crois que l'artiste doit tendre toujours à la perfection, donc à la beauté parfaite. Et je crois que tous les moyens sont valables pour y arriver, tous les moyens sont valables pour atteindre cette beauté, cette perfection. Ceci est vrai pour un artiste, pour un écrivain, pour un musicien, pour un peintre. Pensez à toute la peinture italienne depuis Masaccio jusqu'à à la peinture actuelle. C'est tendre vers cette beauté, la réalisation de cette beauté. Alors, évidemment, ça, on peut accuser ça d'esthétisme, d'hédonisme, de décadentisme, tout ce que vous voulez. Mais moi, je pense que c'est plus sérieux de lui donner une définition plus grecque, au fond, dans un sens, et dire que c'est la réalisation d'une perfection, d'un équilibre complet et parfait, qui, en art, devrait être le but de chaque artiste. On a fait un saut dans le temps, peut-être aurez-vous reconnu la bande originale du Guépard, composée par Nino Rota, le film de Visconti dont nous venons d'entendre la voix, c'était en 1971 sur France Culture, au micro d'Henri Chapier. Visconti parle de beauté, alors il fait la référence hein, au monde grec, mais effectivement en termes très classiques, il parle de perfection. Le but de l'artiste, ça doit être de proposer une œuvre belle, c'est-à-dire parfaite. Carole Talon-Hugon montre bien que là, le temps passe, mais les définitions restent. Oui. Absolument. Et une idée qui est très importante dans la période dont nous parlions tout à l'heure, là, 17e, 18e, c'est l'idée de beauté idéale, en effet. L'idée que l'art doit représenter des objets en les épurant, finalement, de toutes les formes de trivialité, tout ce qui est en eux de laideur, ou tout simplement tout ce qui est trop commun, tout ce qui est trop ordinaire. Et la beauté idéale, c'est aussi une beauté augmentée de spiritualité. Enfin, c'est une beauté, j'allais dire, une beauté augmentée, effectivement, qui ressemble à quelque chose comme la perfection. Alors, en disant ça, on touche à un problème qui, je crois, est central dans notre affaire, c'est que la beauté dont parle Platon dans le texte qu'on citait tout à l'heure, dans Lyon, c'est la beauté tout court. C'est pas la beauté dans l'art. Et quand on parle de la... Même s'il prend quelques exemples avec des statues. Quand on parle de beauté artistique, les choses se compliquent un peu, parce que on sait bien que la beauté, comme le dit Kant, hein, qu'il ne faut pas confondre la beauté d'une chose et la belle représentation de cette chose. Donc il peut y avoir une belle représentation de choses laides ou de choses quelconques. Alors que signifie dans ce cas-là belle? Ça signifie, pour le dire vite, stylistiquement réussie. Bien faite. Voilà, bien faite. Bien réalisée. Alors si l'ambition, si l'art est pensé sous le paradigme de la mimésis, de l'imitation, eh bien ce sera la représentation la plus achevée de la chose, y compris dans sa laideur, voyez. D'où la complexité de la notion de beauté appliquée à l'art, puisque vous avez à la fois la question de ce qui est représenté Et ce qui est représenté, ça peut être effectivement, dans le cas du texte que, de Lessing que vous citiez, ça peut être une chose qui est belle sensiblement. Donc je peux choisir de représenter des choses belles, mais il faut aussi que je les représente d'une belle façon, ce qui complique évidemment la donne. Il est une anecdote est très connue. Elle était citée par Pline. Elle est reprise par Alberti à la Renaissance. C'est l'anecdote selon laquelle, pour réaliser une statue d'une déesse, eh bien tel peintre de l'Antiquité avait imité non pas une très belle jeune fille, mais il avait imité ce qui, dans plusieurs jeunes filles, était le plus beau, c'est-à-dire il avait imité les mains de l'une, le visage de l'autre, la courbure du cou de la troisième, etc. Parce que précisément cette beauté idéale, c'est une beauté qui peut être réalisée dans le domaine de l'art, qui a cette capacité à mettre ensemble ce qui n'est pas forcément ensemble dans la réalité ordinaire, dans la réalité sensible. Donc là, il y a cette idée de beauté augmentée, de perfection que l'art peut réaliser, comme si il y avait une forme d'achèvement de la beauté sensible par l'art et seulement par l'art. Et l'art viendrait ainsi corriger un défaut du réel. Corriger, ou en tout cas composer le réel de manière à ce que ce qu'il donne à voir soit encore plus beau que les choses réelles. Ce qui correspond à un besoin de l'homme qui crée, de l'homme qui regarde l'œuvre d'art, au fond ce que vous dites de l'art, de l'évolution, de la conception du beau à travers l'histoire de l'art, renvoie à l'évolution, peut-être d'une forme d'anthropologie aussi. C'est-à-dire que nous n'attendons pas la même chose de l'art à travers les siècles et que finalement l'art est le reflet de nos conceptions. Oui, absolument. Dans la mesure où, si on peut considérer qu'il y a une sorte d'anthropologie de l'expérience esthétique qui, elle, est moins sensible aux aléas de l'histoire, y compris s'il y a une sociologie des goûts, une histoire des goûts, etc. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'art ne s'est pas donné toujours les mêmes buts esthétiques. Je veux dire qu'il n'a pas toujours eu le beau pour fin suréminente. Il a même parfois pas du tout eu le beau comme fin suréminente. Donc, l'art a changé de finalité à bien des moments de l'histoire où, de façon très souvent très très très progressive, discrète, parfois de façon brutale, retentissante. Il n'a pas toujours eu les mêmes finalités et la place du beau à l'intérieur de ces finalités n'a pas toujours été la même. Donc il faut bien dissocier ce qui est le rapport de l'art à la beauté, qui est une affaire complexe et très, très, très, très différente selon les moments de l'histoire, de la question du beau en général, qui est une question, encore une fois, d'une autre nature. J'espère avoir dit en quoi le fait de parler du beau en art redouble la question de la beauté, puisqu'elle oblige à considérer à la fois la beauté de la représentation et la beauté de la chose représentée. Laissons la parole à Victor Hugo, qui dans la préface de Cromwell en 1827 insiste sur l'importance pour l'artiste de se ressaisir non simplement du beau mais aussi du laid, dans ce qui sera une nouvelle esthétique, on définira le terme ensuite, mais l'introduction du laid dans le domaine de la création artistique trouve ses lettres de noblesse chez Victor Hugo, que voici dans la bouche d'Hélène Le Sœur. Jusqu'à aujourd'hui, la muse purement épique des anciens n'avait étudié la nature que sous une seule face, rejetant sans pitié de l'art presque tout ce qui, dans le monde soumis à son imitation, ne se rapportait pas à un certain type du beau. Type d'abord magnifique, mais comme il arrive toujours de ce qui est systématique, devenu dans les derniers temps faux, mesquin et conventionnel. Le christianisme amène la poésie à la vérité. Comme lui, la muse moderne verra les choses d'un coup d'œil plus haut et plus large. Elle sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. C'est alors que la poésie fera un grand pas, un pas décisif, un pas qui, pareil à la secousse d'un tremblement de terre, changera toute la face du monde intellectuel. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l'ombre à la lumière, le grotesque au sublime. Enfin, vont dire ici les gens qui depuis quelque temps nous voient venir. Nous vous tenons. Donc vous faites du laid un type d'imitation, du grotesque un élément de l'art. Ne savez-vous pas que l'art doit rectifier la nature, qu'il faut l'anoblir? Les anciens ont-ils jamais mis en œuvre le laid et le grotesque? Ces arguments sont solides, sans doute, et surtout d'une rare nouveauté, mais notre rôle n'est pas d'y répondre. Nous constatons un fait. Nous sommes historiens et non critiques, que ce fait plaise ou déplaise, peu importe, il est. Ici, Victor Hugo s'inscrit dans le débat contemporain qui consiste à mettre en question l'introduction du lait à travers la représentation artistique. Et il se donne à lui-même la réplique en réalité, en imaginant ses détracteurs lui répondre, en prenant pour norme l'art antique. Les anciens, disent-ils, ont-ils jamais mis en œuvre le lait et le grotesque? Il se passe ici, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le romantisme, une rupture, une césure très importante entre le début de l'histoire de l'art et ce qu'il se passera ensuite. Carole Talon-Hugon. Oui, c'est la préface de Cromwell de Hugo, de ce point de vue-là, est le texte de référence pour dire en effet une sorte de fin de non-recevoir à cette beauté idéale dont on parlait juste avant, avec l'idée qu'il y a des territoires à explorer dans ce qu'il appelle la laideur et qui peut se décliner en toutes sortes de choses, le difforme, le grotesque, etc. D'un grand intérêt plastique et littéraire, enfin d'un grand intérêt pour la création. Alors c'est intéressant de voir effectivement le romantisme de ce point de vue-là qui, contrairement à l'expression de beaux-arts, inventé, je le répète, au XVIIIe siècle, la notion de beaux-arts apparaît dans le vocabulaire des langues européennes au cours du XVIIIe siècle. Et l'expression est particulièrement éloquente, puisque dans le mot même est dit que le beau est la valeur suréminente désormais de ce qu'on appelle l'art. Donc ce lien très très étroit qui s'établit dans cette période-là, va être défait dans le texte de Hugo que vous avez lu, puisque il est en train de dire que, en effet, il y a des zones d'exploration infiniment intéressantes ailleurs que dans la beauté. Alors c'est vrai qu'au XVIIIe, il y avait eu déjà une sorte de rivalité, j'allais dire, dans l'ordre des valeurs esthétiques entre le beau et le sublime, puisque le sublime était apparu là aussi comme une sorte de valeur rivale et parfois même de valeur survaleur par rapport à la valeur beauté. Ici, c'est plus radical puisque on est du côté des opposés, du côté du grotesque, du côté des valeurs esthétiques négativement pensées, pourrait-on dire. Mais le romantisme, c'est aussi, et c'est intéressant à ce double titre, c'est aussi une remise en cause des règles du bien faire en art, voyez, c'est-à-dire aussi de la beauté artistique, pas seulement de la beauté des objets représentés ou de la beauté des sujets d'inspiration ou de leur laideur, mais la question de la beauté artistique comme effectuation de la règle, effectuation de règles de l'art fixées auparavant. Alors très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les discussions qui animent les académies qui se sont mises en place à partir du XVIe siècle en Italie, puis qui sont apparues en Europe, en France par exemple, au siècle suivant, quand on discute dans l'académie de peinture et de sculpture en France, à Paris, on discute de quoi? On discute de questions de métier. Mmh. Or, les questions de métier, c'est quoi? C'est à propos de tel tableau, à propos de la manne dans le désert de Poussin, par exemple, eh bien, les participants à cette discussion, c'est-à-dire les peintres qui font partie de cette académie, les académiciens, vont se demander si la représentation de Poussin est fidèle au texte biblique, si l'épisode de la manne a bel et bien été représenté dans sa totalité avec les détails qu'il fallait, etc. Si l'expression des personnages est adéquate à la scène, si le coloris est bien utilisé, si le dessin est parfait. Vous voyez, ce sont des catégories qui sont des catégories de métier. Les peintres s'occupent de questions de métier. Et la réussite en art, donc la beauté en ce sens, la beauté du tableau, non pas la beauté de ce qu'il représente, mais la beauté du tableau, c'est la coïncidence avec cette idée de perfection artistique, stylistique, préalablement posée. Or, le romantisme, non seulement va aller à la découverte de ces territoires de la laideur que la beauté idéale du XVIIIe avait laissé de côté. Au contraire, comme on l'a dit, il s'agissait d'embellir et de faire en sorte que la beauté soit plus achevée encore dans l'art que dans la nature. Mais il va s'agir aussi pour le romantisme de remettre en question les règles à l'intérieur d'un art donné, qui devrait permettre d'aboutir à une beauté artistique. Très concrètement, ça veut dire que on va abandonner les règles du théâtre, par exemple. Plus besoin d'écrire en vers. Lorenzaccio de Musset n'est plus en vers. Voilà. Ou bien on va abandonner les règles des trois unités. On les abandonne, mais on en crée d'autres. Au fond, est-ce que dans quelle mesure la position de Victor Hugo ne reproduit pas ce qu'il dénonce par ailleurs en disant mais cessons avec le beau qu'il qualifie de faux, mesquin et conventionnel, allons vers le grotesque. Mais finalement, il remplace ce qu'on appelle beau par le terme de grotesque. Il en fait là aussi peut-être une pétition de principe. On donne d'autres règles, on ne détruit pas toutes les règles. Oui, alors je dirais que c'est moins une règle, ceci précisément, ou un critère, qu'un terrain d'exploration. Vous voyez, un terrain d'exploration. Parce que les règles, vraiment, quelque part, il dit que le romantisme, c'est, je cite, le libéralisme en littérature. C'est-à-dire le pouvoir de s'affranchir des règles. Et c'est la grande période, évidemment, de remise en question de l'académisme, non seulement dans le domaine littéraire, mais encore dans le domaine pictural, dans à peu près tous les domaines. Mais dans le domaine pictural, c'est évident. Donc ne plus suivre de règles. Voilà, les règles de l'académisme qui voulaient, par exemple, qu'en peinture, on n'utilise pas de couleurs non préparées, c'est-à-dire directement sorties du tube. Cette règle-là va être remise en cause par Manet. Dans le balcon de Manet, vous avez l'utilisation d'un verre pour peindre le balcon qui figure sur la toile, qui est un verre tel qu'il sort effectivement du tube, ce qui est une sorte d'hérésie pour l'académisme, qui considère qu'un peintre qui ne prépare pas ses couleurs n'est qu'un peintre en bâtiment, comme certains ont dit d'ailleurs de Manet. C'est pas un artiste, c'est quelqu'un qui ne travaille pas ses couleurs préalablement. Donc cette remise en cause des règles de l'art, c'est des règles internes de chaque art, au profit justement d'une exploration, d'une volonté d'explorer non seulement de nouveaux territoires du sensible, mais aussi de nouvelles formes de peinture, de nouvelles formes de littérature, d'écrire des pièces, etc. C'est tout à fait caractéristique de cette période et du romantisme. Mais il faut savoir ce qu'on entend par laideur, et notamment chez Hugo. Pensons aux pages de L'homme qui rit, qui décrivent le visage balafré, défiguré de Gwynplaine, à qui on a, à l'aide d'un couteau, déchiré les lèvres par leurs coins jusqu'aux oreilles, lui faisant par là une cicatrice qui le marque à vie. L'idée est hideuse, la façon qu'a Hugo de décrire ça est sublime. Absolument. Au fond, la laideur est, comme vous le dites, c'est un terrain d'investigation, mais ça ne veut pas dire que la forme elle-même doit être digne de toute forme de règles d'esthétique. Bien sûr. Et là encore, l'idée est parcours la littérature et l'esthétique depuis l'Antiquité, où on répète qu'il n'est pas de de serpents ni de monstres odieux qui, par leur amitié, ne puissent plaire aux yeux. Donc là, c'est Boileau. Mais ça vient de beaucoup plus loin. Hein. C'est ce qu'on appelle en philosophie aussi le paradoxe des émotions négatives. C'est-à-dire, l'art représente des choses qui susciteraient, si nous les voyons directement, des affects déplaisants. Mmh. Mais lorsque l'art les prend en charge et les représente, eh bien, nous avons au contraire plaisir à les voir. Et ce plaisir-là fait partie de ce qu'on appelle l'esthétique, soi-disant la science du beau, qui est d'ailleurs assez moderne. Hein, le terme même d'esthétique comme discipline date de cette période-là, justement. Oui, l'esthétique, elle est baptisée, pourrait-on dire, au milieu du XVIIIe siècle par Baumgarten, qui lui donne ce nom qu'on continue à utiliser, même si c'est un nom chargé de beaucoup d'ambiguïté. Ça signifie pas qu'il n'y a pas eu préalablement et très largement des réflexions sur le beau. Je citais évidemment le texte de Lyon, de Platon, mais beaucoup d'autres, hein, dans Le Banquet, bien entendu, puis Plotin, Saint Thomas, bon, enfin, on n'en finirait pas de citer le nombre de textes consacrés à la question du beau. Mais ces textes n'étaient pas consacrés à la question du beau dans l'art, hein, on est bien d'accord. Il y avait des textes sur l'art, sur les effets de la tragédie, sur les effets de l'imitation, sur la valeur ontologique de la peinture, chez Platon toujours. Ce qui se passe au XVIIIe, c'est que cet ensemble d'objets qui associe le sensible, le beau et l'art deviennent une sorte de pôle qui va avoir sa discipline philosophique qui s'appellera l'esthétique. Et qui va inclure en son sein aussi le lait. Et qui, bien entendu, ne se limite pas à la question de la beauté, mais considère aussi les qualités esthétiques négatives. Hein, comme en effet la laideur ou plus simplement le quelconque, les qualités esthétiques ne se limitent pas à la beauté et au sublime, évidemment. Et s'il y en a un qui n'a vraiment que faire de l'esthétique, c'est Philippe Starck. L'esthétique ne m'intéresse pas. Pour ça, il faudrait vraiment d'abord pouvoir la juger. Je n'en ai vraiment aucune idée. Alors, quelqu'un qui dirait c'est beau, c'est pas beau, ça m'intéresse très moyennement. Par contre, quelqu'un qui passe dans la rue et qui voit de mes immeubles, qui fait tiens, ça, c'est incroyablement différent quand même de ce qui se fait. Tout d'un coup, il se passe un petit truc, il se passe une espèce de clonk entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Tout d'un coup, on rentre dans un petit morceau de surréalisme, de poésie, d'impossibilité réalisée, de choses comme ça. J'aime beaucoup l'idée d'impossibilité réalisée. Après, le type, il prend une moto que j'ai faite, il dit, mais une moto comme ça, ça peut être différent. À la fin, il prend ma brosse à dents, il fait, mais une brosse à dents, quelque chose d'aussi humble, ça peut être différent. Mais alors, pourquoi ma vie ne serait pas différente? Pourquoi je ne me réintéresserais pas à moi, à mes amis, à mes frères, à ma ville, à ma société, à ma civilisation. Et donc là, si c'est vrai, si ça marche, autrement dit, si le type est passé devant sans dire « c'est beau, c'est pas beau, ce dont je me fous », mais si tout d'un coup il s'est mis en travail lui-même, si tout d'un coup il a cessé d'être un spectateur, un consommateur bâillant, et si tout d'un coup il redevient un acteur de la société, dans ce cas-là j'ai fait mon boulot. Philippe Starck en 1994, au micro de Jacques Chancel, Carole Talon-Hugon, l'art. Le design, dans le cas de Philippe Starck, a-t-il aujourd'hui totalement évacué les questions du beau et du laid au profit d'une réflexion qui serait davantage d'ordre quasiment sociologique, hein, comment l'homme s'insère dans la société, quel rôle il se donne? C'est intéressant cet extrait de Starck parce que ce qu'il dit, ce qui ne m'intéresse pas finalement, c'est le jugement de goût. C'est le jugement qui consisterait à dire c'est beau ou pas, parce que finalement ce sont des notions qui ont plus de valeur que de sens et qui sont de toute manière largement indéfinissables, etc. etc. Ce qui m'intéresse, dit-il, c'est finalement l'effet produit par ces objets sur les individus qui les voient ou qui les utilisent et une sorte de vie augmentée que ce type d'objet permet. C'est très exactement ce qu'il dit. Alors, effectivement, cette idée, c'est une idée qui est très intéressante après ce moment où les beaux-arts ont décidé que l'art était, que le beau était l'alpha et l'oméga de leur pratique, puisque c'est une sorte de retour au fonctionnalisme. La distinction du beau et de l'utile, c'est de nouveau cette période de bascule que je situe en particulier au XVIIIe siècle. C'est de là que ça date. C'est-à-dire que si on recherche, comme le fait Kant par exemple, ou comme le fait Hutcheson, comme le fait Diderot à bien des égards, ce qu'est précisément le beau, on va prendre soin de le distinguer de ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, on va dire, le beau n'est surtout pas l'utile. Le beau n'est surtout pas le bon, le beau n'est surtout pas le bien. Et il faut, pour avoir ce qu'on appelle alors un jugement de goût désintéressé, ne pas mêler de préoccupations extra-esthétiques. Donc, le jugement de goût, diront tous ces auteurs, c'est le jugement se caractérise par cette notion capitale de désintéressement, qu'on retrouve d'ailleurs même beaucoup plus tard, qu'on retrouve chez Stolnitz, qu'on retrouve chez Gérard Genette, attention aux qualités aspectuelles de la chose, sans intention d'action, etc. Alors, cette idée que le jugement de goût est un jugement épuré de toute autre considération extra-esthétique, c'est une idée importante qui demeure, mais qui a un prix à payer. Le prix à payer, c'est la séparation du beau et de la fonction. Puisque dès qu'un objet a une fonction, sa beauté devient impure, puisque le remplissement de cette fonction est pris en considération. Vous savez, c'est pour cette raison que l'architecture a toujours eu une place un peu délicate dans le panthéon des beaux-arts. Parce qu'elle sert à quelque chose. Parce que l'architecture ne peut... On peut c'est on le peut cas du design d'ailleurs, oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que dit on peut considérer que la musique peut être pure, on peut considérer qu'elle elle peut servir aucune fonction religieuse ou je ne sais quoi. On peut dire la même chose de la littérature, de la poésie, de Mallarmé, etc. Mais dans le domaine de l'architecture, c'est plus difficile puisque l'habité est tout de même au centre de l'architecture. Mais en ce qui concerne le critère du beau, quand on écoute Stark, en fait, le beau n'est pas complètement évacué. Il dit, mais m'en fiche. Mais enfin, le travail qui est fait pour que tel objet produit par son équipe de designers soit amené devant bah, le futur client et donc l'utilisateur, c'est aussi un travail esthétique. Ah, mais absolument. Mais ce qu'il évacue, c'est... Vous l'avez vu, il dit « ça m'intéresse pas de savoir si les gens disent c'est beau ou pas ». Ce qu'il évacue, c'est une relation qui serait une relation exclusivement esthétique. Et ce qu'il met en avant, ce qui l'intéresse, qu'il souligne dans ce texte, c'est le fait d'avoir des objets qui, par l'alliance qu'il réalise entre la fonctionnalité et la beauté, produisent des effets sur la vie des personnes qui les regardent ou qui les utilisent. Donc, c'est réunir ce qui avait été séparé, en quelque sorte. Et c'est effectivement l'idée du design, de réunir la fonction et la beauté. Oui, et c'est pas, on peut pas dire que seulement le design évacue la question du beau, de l'art. Voici un autre extrait très court qui vous permettra de nous dire, Carole Talon-Hugo, ce qu'il en est du bon, du beau, aujourd'hui, dans la création artistique. Le marteau clôture la vente pour plus d'un million d'euros. Lorsque soudain, la célèbre toile de Banksy glisse de son support, découpée en fines lamelles par une broyeuse dissimulée dans le cadre doré. Le public est ébahi, n'en croit pas ses yeux. Deux employés de la maison d'enchères tentent alors d'intervenir, mais il est déjà trop tard. La toile s'est autodétruite. Souvenez-vous, c'était le 6 octobre 2018, une toile du graffeur Banksy s'autodétruit. Elle est broyée par une machine qui était intégrée dans le tableau et donc elle est ainsi laminée en une infinité de petites tranches de tableau. Est-ce que ça veut dire là que l'art contemporain, alors on a pris cet exemple, il y en a plein d'autres, évacue complètement la question du beau et du laid, mais plus que ne le dit Philippe Starck, c'est-à-dire que là, c'est même plus le critère qui donne son prix à l'œuvre. Ce qu'il faut, c'est trouver une forme de spectacle, d'inédit, de nouveauté, qui renverse complètement la hiérarchie des valeurs traditionnellement associées à l'art. Ça pourrait. Ou c'est une autre beauté, qui sait. Alors, ça pourrait assez bien définir ce que vous venez de dire, tout l'art du XXe siècle, qui est, selon la formule heureuse de Gombrich, un art d'expérimentation qui qui bien souvent s'est intéressé aux composantes classiques de l'idée d'art, c'est-à-dire l'idée d'œuvre, l'idée de beauté, l'idée de goût, l'idée de plaisir esthétique, et qui, à bien des égards, s'est à expérimenter la remise en cause de tel ou tel de ces critères, jusqu'à remettre en cause parfois même l'esthétique au sens non plus de beauté, mais au sens de qualité sensible de la chose, hein, si je pense à l'art conceptuel. Mmh. Hein. L'art conceptuel, précisément, consiste dans des textes qui vont annoncer la réalisation de quelque chose, mais rien n'est concrètement présent. Alors, il reste quelque chose, comme par exemple les télégrammes d'Onkawara qui déclare à son galeriste qu'il est toujours vivant, mais c'est tout. Vous voyez, il n'y a plus d'objet sensible. Donc là, c'est la remise en cause non seulement de la beauté, mais encore de l'esthétique écrit AI, c'est-à-dire du sensible. Hein. Ouais. Il n'y a même plus besoin d'un objet sensible pour être porteur de l'œuvre. Hein, bien. Donc oui, tout le XXe siècle a été largement une expérimentation de toutes sortes de choses, avec néanmoins... puisque c'est un siècle très complexe et très varié, on ne peut pas dire que la beauté a été évacuée de tout, puisque dans cette immense production protéiforme, hein, qui prend qui va dans tous les sens, vous retrouvez néanmoins des auteurs qui continuent à parler de beauté ou à la rechercher. Tout est possible, hein. Tout est possible. Donc, mais c'est quand même pas, évidemment, si on regarde les choses avec un recul historique un peu vertigineux, il est évident que le XXe siècle ne va pas du tout ressembler au XVIIIe siècle de ce point de vue. Mmh. C'est-à-dire qu'en effet, la beauté n'est pas et n'est plus le mot qui vient en premier lieu pour caractériser cette production qui, encore une fois, je répète parce qu'il faut être prudent, est trop diverse et trop complexe pour qu'elle puisse être résumée même par une négation. En tout cas, c'est certain que la question, je dirais que le design, mais avant le design, il faut peut-être remonter jusqu'au mouvement Art and Craft, hein, fin 19e en Angleterre, hein, autour de noms comme William Morris, qui justement ont voulu réunir ce qui avait été dissocié par les beaux-arts, c'est-à-dire l'utile et le beau. Et au-delà, l'art et l'artisanat. Vous voyez, parce que l'artisanat était tombé du côté, était tombé hors de l'art à partir du moment où l'artisanat avait comporté toujours la fonctionnalité. Enfin, mais au-delà de ça, est-ce si vrai que le beau, alors peut-être n'a plus de prééminence dans l'art contemporain, mais il n'est pas complètement évacué. Les œuvres d'art qui sont soit installées en ville, que l'on peut contempler, celles qui sont encore vendues aujourd'hui. Alors d'accord, il y a cette histoire spectaculaire du tableau qui s'autodétruit, et c'est sans doute ça qui donne un prix nouveau au tableau, mais le tableau lui-même n'était pas laid. Dire que le beau est secondaire, ça ne veut pas dire qu'il est complètement absent, il reste cette absolument dimension. C'est ce que je... Ce rapport plutôt même plaisant. On n'a pas envie de fermer les yeux face à un tableau tellement il nous dégoûte. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de précautions avant de dire que le beau avait disparu de l'art. Bien sûr. Mais encore une fois, il est évident que ça n'est pas la première caractéristique qu'on retiendra de l'art du XXe siècle. Ou alors l'idée, la définition du beau a changé. L'idée d'originalité, l'idée voire de transgression, l'idée d'authenticité sont des valeurs qui sont largement rivales, hein, de la question du beau. Même si, d'une certaine façon, il y a toutes sortes d'utilisations du vocable, hein, le mot beau, l'adjectif beau. Mais bien, il y a, encore une fois, c'est Paul Valéry, hein, qui disait que le beau est un mot qui a plus de valeur que de sens. Donc il peut être utilisé parfois pour caractériser son contraire. Donc la philosophie, c'est aussi la recherche de savoir ce qu'on met sous les mots. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Et peut-être que le terme même de beauté a changé. Peut-être que la définition aujourd'hui de la beauté ne peut pas faire sans ce côté spectaculaire ou cette spontanéité ou ce choc. Beauté spectaculaire, oui, bien sûr. On sent Baudelaire qui vient, évidemment. Mais même si vous prenez des œuvres comme celle de Fujiko Nakaya, qui travaille avec des brouillards artificiels, vous savez, qui projettent par des toutes sortes de procédés techniques, des brouillards qui vont envahir un parc, qui vont envahir une partie de la ville, etc. Effectivement, ce qu'elle propose, c'est une sorte d'expérience esthétique, au sens, j'allais dire, plus esthétique, écrit AI, c'est-à-dire une expérience sensorielle, une expérience qui brouille les repères ordinaires que nous avons de la perception des volumes, de la perception de l'environnement. Donc c'est une expérience sensorielle globale, beaucoup plus qu'une expérience de la beauté au sens classique du terme. Mais en effet, beaucoup de gens parlant de ce qu'elle fait vont dire « c'est très beau ». Donc, vous avez raison. Le beau reste. Le beau n'a pas. Il a peut-être été sommé de sortir par la porte, mais à bien des égards, il rentre par la fenêtre. Et on est heureux de l'accueillir, en tout cas, cette semaine. Merci beaucoup, Carole Talon-Higon, d'être venue nous en parler ce matin. Je renvoie à vos ouvrages qu'on trouve aux éditions PUF, hein, Les Arts du XXe siècle, l'Antiquité grecque, Moyen-Âge et Renaissance, Modernité, Classicisme et Lumière, toutes les époques sont abordées. Mm-hmm. La collection est désormais complète, j'imagine. Et votre dernier livre qui paraîtra bientôt, sur un sujet qui est vraiment d'actualité, l'art sous contrôle, le nouvel agenda sociétal et censure militante, se trouvera également aux éditions PUF. On se quitte avec un chanteur qui, lui, a fréquenté la beauté, c'est Jean-Louis Murat. J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoué, qui nous jette au panier, pleurnichant route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien. Fréquenter la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je nourris l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière la balle aux forêts, mais parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, les éboires y mangeaient pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un auteur que j'aime beaucoup et qui sort un ouvrage qui s'appelle Les Sortilèges de l'imaginaire. Mais quel beau titre pour poser une question, plusieurs même. Qu'est-ce que le réel ? Existe-t-il vraiment, objectivement, indépendamment de moi ? Ou est-il ensorcelé par mon imagination ? N'est-il qu'une construction de mes sens, de mes attentes, de mes espoirs et projections ? Ce sont donc les questions soulevées par Nicolas Grimaldi dans ce livre Sortilèges de l'imaginaire, sous-titre La vie et ses égarements. Le problème du réel est épineux en philosophie, terme suremployé au quotidien, notamment sous sa forme d'adverbe. Il agit comme un argument d'autorité. Ça s'est réellement passé comme ça, peut-on dire, pour mettre fin à une conversation, synonyme de vraiment et d'objectivement. Mais qu'est-ce qui nous assure que le réel est vrai et objectif et pas le fruit de mon imagination ? Qu'est-ce qui m'assure que je ne prends pas mes rêves pour la réalité ? Dreams are my reality. Of love. Rêves, fantasmes, sexualité, amour, rapport à soi et aux autres, croyances, foi et religion, politique et idéologie, et bien sûr art, peu de domaines semblent échapper à la puissance de l'imagination, au sortilège de l'imaginaire, pour reprendre ce très beau titre. Domaines qu'ils traitent tous, Nicolas Grimaldi, dans de courts chapitres, en partant de cette question sur le réel. Peut-on jamais percevoir la réalité en tant que telle? Quand on la perçoit, voit-on seulement notre imagination à l'œuvre, consistante? Ou peut-on voir autre chose que ce que l'on imagine? La réalité donc, capable de confirmer ou infirmer mon imagination. Vous voyez le problème? Le problème du réel n'est pas seulement épineux ici, il est crucial, car loin d'être un problème lointain, abstrait, métaphysique, un problème de concurrence entre l'entendement et l'imagination, où il s'agirait simplement de réhabiliter cette dernière comme une ouverture sur le monde, une place faite à l'évasion et à la beauté, eh bien ce problème interroge l'essence même du réel, sa capacité à être perçue en tant que telle et sa puissance. Comment donc interroger le réel, en finir avec son autorité, débusquer la part d'imaginaire qui le pétrit, qui l'informe, sans pour autant le nier complètement et le faire disparaître? J'ai lu Ulysse dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que Madame de Mortsauf aimait Félix de Vandenesse. C'est pas une belle histoire d'amour, c'est une histoire lamentable. Parce que finalement, elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. L'imaginaire est au cœur de notre vie, de ce que l'on perçoit, des relations avec soi et avec les autres, au cœur enfin de nos convictions, de nos croyances et de nos rêves. Dans cette situation difficile de faire la part des choses entre ce qui est réel et imaginé, entre la réalité et ce que l'on en attend. L'amour, à cet égard, est frappant. On attend de tomber amoureux, on veut tomber amoureux, on se rend disponible à cet amour en voyant autour de nous tout un faisceau de signes, en faisant d'une femme rencontrée une apparition. Et quand on est amoureux, eh bien on ne passe pas tout le temps à l'acte. L'amour peut se passer de sexualité, de concret, de réalité, comme pour Madame de Mortsauf dans le Lys dans la vallée. Enfin, on peut se passer de réalité jusqu'à un certain point. Jusqu'où en effet peut-on se passer du réel ? Dans La Nausée de Sartre, le personnage de Roquentin est saisi d'une terrible angoisse face à cette réalité. Justement, a-t-elle une consistance, une solidité, une assise? Peut-on être sûr d'elle? La réalité a la vertu de nous rassurer, jusqu'au point où l'on va douter d'elle. Et c'est tout le paradoxe de la réalité, et si c'était elle et non l'imagination, le fruit d'une construction totale. On se demande comment cesser de l'invoquer tout en la préservant, mais le faut-il? Alors que l'on parle aujourd'hui de post-vérité, faudrait-il parler de post-réalité? Le propos de Nicolas Grimaldi est politique. Terrorisme, idéologie, excès de foi, excès de la foi sont présents dans ces pages. Et c'est avec le personnage de Roquentin, pourtant saisi de nausée face à un arbre, qu'il redonne sa place à la réalité. Car quand il écoute le ragtime que l'on a entendu, il prend alors conscience de la plénitude de la réalité. Elle n'est pas sous ses yeux, mais dans ses oreilles, bien présente, mais invisible. Merci Géraldine. Le titre du livre alors, qui est si beau, enfin ce titre. Sortilège de l'imaginaire, la vie et ses égarements, donc de Nicolas Grimaldi, et c'est paru au PUF. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. À la lecture des textes, Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la beauté. Demain, nous serons en compagnie de Jacques Darula et nous parlerons de Kant. À partir de cette question, peut-on discuter des goûts et des couleurs? De quoi animer vos prochains dîners? D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.